check, 600, Landyland Crew, Aubert, 2005, gros. Patrimoine du ghetto, ça fait rah. J'ai quelques rimes et peu d'orgueil. Pourquoi je m'en tire et les miens triment et pour un peu d'orgueil. Bellec, ça va tirer, c'est ce que j'entends dans les rues de ma ville. Ça fait que s'empirer autant pour la vue de ma vie. J'essaye de m'en tirer, j'ouvre les yeux quand le monde part en vrille. Et que mes parents flé, je veux mourir vieux mais j'arrive pas à vivre. C'est garanti qu'on va tous s'éclamer. Et entre l'année dernière et aujourd'hui, ce qui change c'est claque. Les gars s'éclatent avec un douce toute une nuit. Pendant que sa bitrave craque et ça gâche toute une vie. Pour une fille ça chlasse ou ça se met sur messagerie. Inch'Allah que mon message passe, c'est pour ça que je rime. Je te parle même pas des mandats cash, ouais. Qui sont pratiquement invisibles. Au star pour Vedav, faudra mettre à l'amende un gars qui vienne ton disciple. Car en cage, les gars ont la rage et les yeux rouges vifs. Regarde, même les mômes passent du collège au collage. Des heures de colle à la bande collante. Et moi je souhaite que moi le vis on fasse deux. Mais ça fouette, et trop de mes refs font le diable en face d'eux. On vient de là où les renois parlent rebeux. Et les rebeux mangent du tien. Si tu lâches un plan bœuf, on dira pas change sujet. On a tous le jet, car niveau haine on est tous au P. Chétan est un couturier qui nous a tous sapés. Bienvenue dans ce monde là où tes frères s'en fichent. Quand t'es en déj sans fric, où le vice persiste. Tout fric le site t'excite, où le mal s'existe. Là où y'a que quand t'as de la maille t'existe, t'es averti. Bienvenue dans ce monde là où tes frères s'en fichent. Quand t'es en déj sans fric, où le vice persiste. Tout fric le site t'excite, où le mal s'existe. Là où y'a que quand t'as de la maille t'existe, t'es averti. Ici ça parle aux chiffres, les carottes cheat, les carrosses brisent. Et entre bandes ça s'arrose vite. Bienvenue dans ce milieu chaotique, ouais. Là où les gars au schmitt, ouais, n'ont qu'un souhait que les barreaux se brisent. Ça se barre en vrille vu que les poches manquent pèse. Tous mes proches s'engrènent et les porcs s'emmènent. Les morts s'enchaînent, ça se trouve pour le bis. C'est tout pour le fric et personne s'entraîne. Faut des couilles pour vivre vu que chacun ne pense qu'à soi. Depuis le temps qu'il blisse mène là-dedans, je pense qu'il est temps de s'asseoir. J'ai peine à voir mes frères à l'ombre qui divaguent. Je leur parle mais mes mots ne sont qu'un éclair dans une longue nuit noire. Ils ne parlent pas d'avenir, les jeunes se moquent de tout. Se moquent leur douce pendant que leurs rêves disloquent tous. Faut que je bouge avant que je pète vite un câble. Dans cette vie macabre où tu finis vite à câbler. Car les petits déjà stagnent et ne pensent qu'à teaser et traîner. Tandis que d'autres veulent déjà encaisser et peser. Ouais, difficile de s'empêcher de pécher. Alors qu'au contraire, on devrait se presser de prêcher. Mec, plus rien ne distrait. Comme à l'époque des 10-13 ans. Le vice perce et les chips presque quand les flics descendent. Le business rime avec vie stress, donc forcément ma vitesse finira mal si je reste, ouais. Bienvenue dans ce monde là où tes frères s'en fichent. Quand t'es en déj sans fric, où le vice persiste. Tout fric le site t'excite, où le mal s'existe. Là où y'a que quand t'as de la maille t'existe, t'es averti. Bienvenue dans ce monde là où tes frères s'en fichent. Quand t'es en déj sans fric, où le vice persiste. Tout fric le site t'excite, où le mal s'existe. Là où y'a que quand t'as de la maille t'existe, t'es averti. Ok, 600, le balafré, saut, patrimoine du ghetto, 600.